Yeah, c'est pour mes sisters, si, si, les vrais le savent. Ok, vas-y, envoie ce son. C'est pour toutes mes sisters, toutes ces dames, toutes ces madames. Les vrais le savent. C'est pour mes sisters, toutes ces femmes fortes. Derrière chaque grand homme se cache une femme forte. C'est pour mes sisters, toutes ces femmes fortes. Derrière ses épaules se cache une vraie lionne. C'est pour mes sisters, toutes ces femmes fortes. Derrière chaque grand homme se cache une femme forte. C'est pour mes sisters, toutes ces femmes fortes. Derrière ses épaules se cache une vraie lionne. C'est pour mes sisters qui se lèvent tôt le matin pour gagner leur gain de pain, remplir leur sac à main, qui se tuent au travail dans un poste de responsable. C'est pour toutes ces dames, les pieds dans la panade, au grand caractère, qui jouent carte sur table, qui retournent à la fac en file de cartables, qui se battent pour leur gamin, pour leur trouver une place. C'est pour toutes ces madames, ces dames, ces sistas, œuvrées chaque jour pour un avenir meilleur, qui sont leurs compagnons, leur visage serait sans couleur, qui donnent la vie, l'amour dans une famille unie. Caractère de lionne, c'est pour elles dans la jungle, qui affrontent la vie, la croque à pleine gencive. C'est pour mes sistas qui ne demandent rien sans retour. C'est pour mes sistas qui m'écoutent, qui sont sur écoute, qui dans le son kick-sack et remplissent des sacs coûte que coûte. C'est pour mes sistas, toutes ces femmes fortes. Derrière chaque grand homme se cache une femme forte. C'est pour mes sistas, toutes ces femmes fortes. Derrière ses épaules se cache une vraie lionne. C'est pour mes sistas, toutes ces femmes fortes. Derrière chaque grand homme se cache une femme forte. C'est pour mes sistas, toutes ces femmes fortes. Derrière ses épaules se cache une vraie lionne. Comme un soldat, tu te bats toi la guerrière, aux ambitions hors pair qui sur les petites surveillent. C'est pour toutes celles qui se prennent des claques, qui reviennent en effet boomerang, boom, bam. C'est pour mes sisters si braves dans les combats, qui affrontent la vie, se battent contre les injustices. Une femme courageuse à la fois fragile et sensible, au style branché, crâne rasé et rasta ou classique. C'est pour celles qui ont compris que la vie n'est pas simplement critique, le monde ne tombe pas que sur mythique. C'est pour ces madames courageuses qui sourient, qui pleurent en cachette et finissent par rebondir. Brave et seule dans les combats, protectrice pour les siens, entre crainte et projet, elle désire et devient. Des rimes optimistes, un titre en perspective. C'est pour mes sistas, mes combattantes qui s'affirment. C'est pour mes sistas, toutes ces femmes fortes. Derrière chaque grand homme se cache une femme forte. C'est pour mes sistas, toutes ces femmes fortes. Derrière ses épaules se cache une vraie lionne. C'est pour mes sistas, toutes ces femmes fortes. Derrière chaque grand homme se cache une femme forte. C'est pour mes sistas, toutes ces femmes fortes. Derrière ses épaules se cache une vraie lionne. Ce texte, je vous le dédie. C'est pour toutes ces madames, ces dames, ces six stars. Ce texte en guise de bouquet de fleurs.